ce lundi à Assemblage requis. Maxime Lemulaire-Ami nous fera ses suggestions musicales. Aussi, à ne pas manquer, absence complète de Simon Fitzbé. Oh, ça va faire du bien, ça! Assemblage requis, lundi, 15h.